La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous retrouver pour une mini-série en deux épisodes consacrée à l'écrivain égyptien Naguib Mahfouz, prix Nobel de littérature 1988, dans une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin et Laurent Travagli-Chanan, à la réalisation Rafik Zénine. À la console aujourd'hui, c'est Jean-Guilain Meige. Alors il est peut-être un petit peu oublié en France, mais il demeure l'écrivain le plus populaire d'Égypte, le plus traduit également, et nombreux sont ceux qu'il considère comme le père de la littérature arabe actuelle. Celui qui disait qu'aucun plaisir n'égalait pour lui la littérature a écrit 35 romans, 13 recueils de nouvelles. Il a tenu une chronique dans le journal Al-Ahram. On lui doit également des scénarios de films, notamment pour Youssef Chahine. Demain, nous parlerons de la trilogie Kérot qui l'a rendu célèbre. Ce sera avec Leda Mansour qui a consacré sa thèse à cette saga historique et familiale qui court de la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'à la prise du pouvoir par Nasser en 1952. Et en seconde partie, toujours demain, je recevrai Rania Samara, professeure émérite à la Sorbonne et traductrice du livre de Mahfouz intitulé « Son Excellence ». Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour notre émission introductive et biographique, je reçois l'éditeur de Mahfouz en France, Farouk Mardambe. Il est directeur de la collection Simbad chez Actes Sud. Simbad, où paraîtra d'ailleurs bientôt, en juin prochain pour être exact, le livre de Naguib Mahfouz intitulé « L'organisation secrète et autres nouvelles ». Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. الحارة الحقيقة هي مولدي. Alors on entend ici un extrait d'un entretien de Mahfouz avec Laure Adler, c'était pour le Cercle de minuit en 1997. Et voilà ce qu'il dit. La ruelle, c'est là que je suis né, j'y ai grandi, je l'aime énormément. Quand je suis devenu écrivain, mon imagination y a puisé sa source. Parler et décrire la vie, c'est d'abord décrire la ruelle, décrire le monde, c'est également décrire la ruelle. Bonjour Farouk Mardambe. Bonjour. Alors la vie de Naguib Mahfouz, dont on va parler aujourd'hui, il faut dire d'abord qu'elle est étroitement liée à sa ville du Caire. Et tous ses romans, ou presque, ont pour cadre non seulement la ville du Caire, mais peut-être en particulier le quartier de sa naissance, le quartier qu'il a vu. Le quartier de sa naissance, qui est El Gamaliya, qui fait partie de la circonscription d'Al Hussein, un quartier populaire, grouillant, comme d'autres quartiers du Caire, probablement, mais c'est là qu'il a situé l'essentiel de ses œuvres réalistes. Les œuvres réalistes qu'il a commencé à écrire au début de la Seconde Guerre mondiale et qui ont eu leur couronnement avec cette trilogie dont vous allez parler demain. Mmh. Ça ressemble à quoi ce quartier ? Alors on imagine qu'il a beaucoup changé, mais il est toujours populaire, c'est toujours le quartier des ruelles tel que le décrit Mahfouz. Il est toujours populaire et toujours le quartier des ruelles, en effet. Et je crois qu'il a été l'auteur qui a le plus rendu cette vie populaire du Caire. D'autres plus jeunes que lui ont poursuivi un peu sur la même lancée, mais quand on parle du Caire, c'est d'abord à Naguib Mahfouz qu'on pense. Mm-hmm. Alors il parle des quartiers populaires, mais pourtant lui, même s'il est né justement dans ce quartier de Gamaleya, c'était le 11 décembre 1911, il est né dans une famille qui était une famille de la bourgeoisie kérote. Oui, de la bourgeoisie moyenne, disons. Et ce n'était pas une famille très riche. C'était bon, mais cette famille lui a permis de faire des études, d'aller à l'université, d'avoir sa licence en philosophie, et puis de devenir un fonctionnaire. Quand vous dites que sa vie était réglée, justement, c'est qu'il a été fonctionnaire pendant 37 ans. Donc c'est une enfance heureuse, il parle d'une enfance ordinaire. Alors comme c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, Naguib Mahfouz, il emploie souvent l'antiphrase et il dit « c'était une enfance ordinaire où je n'ai pas eu à connaître le divorce des parents, la multiplicité des épouses du père, la solitude de l'orphelin ». Il y a toujours un petit peu de second degré dans la manière dont Naguib Mahfouz parle. Tout à fait. Et on le voit dans ses romans et surtout peut-être dans ses nouvelles. Il y a toujours ce ton qui marie l'absurde avec la réalité en permanence. Et vous avez parlé de 13 recueils de nouvelles. Justement, dans ces 13 recueils de nouvelles, il y a ça. Mmh. Est-ce que vous avez un exemple, justement, à nous donner de ce ton-là, ou en tout cas de l'atmosphère que cela crée sur l'esprit du lecteur ? Oui, par exemple, là, dans l'Organisation secrète, le recueil qui va paraître... ce n'est pas le recueil tout entier, c'est une anthologie de nouvelles qui va de 62 à 84, en fait, mais pour lequel on a choisi le titre de l'Organisation secrète. Justement, l'Organisation secrète, on imagine tout de suite une organisation djihadiste, mais ce n'était pas du tout ça. C'était une allégorie de l'histoire des religions. Il est question, les personnages sont Moïse, Jésus et Mohamed. Bon, mais il est situé dans le Caire d'aujourd'hui, et il un peu comme dans Les Fils de la Médina. Dans Les Fils de la Médina, ce roman qui lui a causé d'ailleurs beaucoup d'ennuis, et même l'attentat contre lui a été causé par ce roman. Et par exemple, une autre nouvelle où il imagine un journaliste qui a longtemps enquêté dans les quartiers chauds du Caire, qui a été à l'origine de l'interdiction du racolage dans le Caire, et puis à un moment donné il va lui-même après des années dans ce quartier, et il cherche à contacter une prostituée, et il a été arrêté comme racoleur, alors que c'était lui qui a été à l'origine de l'interdiction du racolage. C'est un peu le genre de d'humour et d'absurde qu'il distille dans chaque nouvelle. Ouais. Alors pour reprendre la chronologie, le père de Naguib Mahfouz meurt en 1937, il a 65 ans, Mahfouz est encore jeune, donc il va vivre avec sa mère, ils vont, je crois, changer de quartier, et là c'est un arrachement d'une certaine manière de devoir déménager de cet endroit qu'il aimait tellement. C'est un arrachement, et il a gardé une relation très particulière avec sa mère. D'ailleurs, dans les entretiens qu'il a eu avec Raga Nakash, réunis dans ce livre Page de mémoire, il consacre tout un chapitre à sa mère. Et dans ses romans, il y a aussi ces personnages de femmes, de mères, disons, dans tous ses romans, pratiquement, on trouve ce personnage comme personnage principal. Oui. Et qui prend quelle place, qui prend quelle forme, justement, dans les romans ? Souvent dans la forme d'une... comment dire, c'est un peu le bon sens, la sagesse, la personne équilibrée, mesurée, qui empêche les débordements, qui... voilà. Ouais. Alors, il va retourner parfois à Gamalia, alors qu'il vit avec sa mère dans d'autres quartiers, mais pour aller cette fois à la bibliothèque, Al-Houri, où il dit avoir lu Proust à la recherche du temps perdu pendant sa jeunesse. Est-ce que vous savez si la lecture va prendre très rapidement une place importante dans sa vie, puisque sa famille n'est pas une famille tellement littéraire? Naguib Mahfouz a lu certainement tous les grands classiques de la littérature mondiale. Il a lu les Français, il les cite parfois, bien sûr Balzac et Zola. D'ailleurs, on dit souvent que c'est le Balzac égyptien. Et vous pensez que c'est en effet le Balzac égyptien? Ou le Balzac égyptien. Il a lu les Russes et sans doute les Anglais. Pourquoi ce serait le Balzac égyptien? Je crois qu'il a lu, par exemple, Proust n'était pas traduit en arabe à l'époque. Je crois qu'il a dû le lire en anglais. Et les Français aussi, ils ne lisaient pas le français. Et je crois qu'il a lu, certains ont été traduits en arabe, pas beaucoup. Donc je crois que ces lectures étaient essentiellement en anglais, s'agissant de la littérature mondiale. En tous les cas, quand il se mettra à écrire, ce sera toujours par rapport à un lieu en particulier, car le lieu pour lui est très important. Je dirais qu'à mes débuts, j'ai choisi des ouvrages, des histoires plutôt pharaoniques, d'où le choix du lieu qui est Thèbes. Mais pour ce qui est de l'étape actuelle, j'ai remarqué qu'en choisissant par exemple les ruelles ou bien le quartier populaire égyptien où j'ai vécu, j'étais davantage heureux, j'étais dans mon élément. C'est pour ça que la majorité de mes ouvrages se passent en fait dans les ruelles. Bien que cette ruelle puisse être le symbole de la vie, mais n'empêche qu'elle reste quand même ruelle. Compagnie des auteurs sur France Culture. Alors Farouk Mardambé, dans ces ruelles, quand on est un adolescent comme Naguib Mahfouz, on joue au football. Ça, c'est quelque chose qui ne vient pas forcément à l'esprit quand on parle d'un prix Nobel de littérature, mais c'était un grand footballeur. C'était un footballeur, oui. Et quand même, le football était et reste le sport adoré des Égyptiens. Et les grands footballeurs sont des vedettes en Égypte. Là, en ce moment même, il y a ce footballeur qui joue à Liverpool et qui est devenu un héros national. Ouais. Il aurait pu devenir footballeur, peut-être, non? Pardon? Il aurait pu devenir footballeur? Oui, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, il dit dans un entretien qu'il y avait pensé. Il était vraiment pris dès sa jeunesse par la littérature. Et il le dit par l'écriture. À un moment donné, il disait que, dans ses entretiens, il expliquait qu'à un moment donné, il ne pouvait vivre qu'en écrivant. Mmh. Et il a organisé sa vie qui était très, la vie d'un fonctionnaire très discipliné, qui allait à son bureau à l'heure, qui quittait à l'heure, mais il a réussi à organiser sa vie de manière très très disciplinée. Tous ceux qui l'ont connu étaient sidéré par son exactitude, son respect des horaires, alors que ses collègues, des écrivains importants, comme Youssef Idriss par exemple, étaient complètement fantasques. Ouais. Et lui, c'était le contraire. Il est resté fonctionnaire. C'est très important. Son père était fonctionnaire aussi. Pardon? Son père était fonctionnaire aussi. Oui. C'est un peu. Et d'ailleurs, le milieu de la, il a très bien décrit le milieu de la bureaucratie égyptienne, les fonctionnaires égyptiens. Dans ce roman, Son Excellence, par exemple. On en parlera demain. Vous allez en parler, je crois. Et c'est tout le monde de la fonction publique en Égypte. Bon, alors, puisque vous parlez de la vie réglée comme une horloge de Naguib Mahfouz, sans plus attendre, je vous propose d'écouter Alaa El Aswany, qui est exactement d'accord avec vous. J'avais de la chance parce que j'avais un contact personnel avec lui, parce qu'il était ami de mon père. Et mon père m'a parlé de lui beaucoup. Et il m'a raconté comment il avait de la discipline pour écrire. Un jour de Mahfouz, c'est un jour vraiment très calculé, très organisé, même avec ses amis. Par exemple, il passait 2 heures avec des amis, alors il devait passer 2 heures et pas 2 heures et 10 minutes. Et ça, c'est vraiment essentiel pour garder la littérature. En 1980, j'avais de la chance de le rencontrer, comme ça, par hasard, par coïncidence, à Alexandrie. Et je me suis présenté, il m'a connu parce que, à cause de mon père. Et j'avais des problèmes parce que j'avais beaucoup d'enthousiasme pour l'écriture, mais je savais pas exactement ce que je devais faire. Et on a passé ensemble 2 ou 3 heures, au bord de la mer, et je pense que ces 2 heures ont changé ma vie. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit beaucoup de choses, mais il m'a conseillé d'avoir la littérature comme la priorité de ta vie. Si tu n'auras pas la littérature comme la chose la plus importante, c'est mieux de quitter la littérature parce que tu n'écris pas pour l'argent parce qu'il n'y a pas d'argent et tu n'écris pas pour être fameux parce que si tu penses un peu à être fameux, à être célèbre, c'est pas grande chose. Tu écris parce que tu dois écrire et tu écris parce que tu as besoin d'être apprécié par les lecteurs, d'avoir le sentiment que tu as changé quelque chose dans les lecteurs à travers ton écriture. Qu'est-ce que vous retenez de cet archive d'Ala El Aswani, écrivain égyptien, Farouk Mardambé? Oui. Qu'est-ce que vous en retenez? De El Aswani? Enfin, de ce qu'il vient de dire, oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, une vie réglée comme une horloge, c'est vrai que c'est ça qui permet à Naguib Mahfouz de produire autant, parce que c'est un écrivain tout de même assez prolifique. Tout à l'heure, vous parliez des rapports avec sa mère. On peut parler aussi des rapports avec les femmes de manière plus générale. Il va commencer finalement par être quelqu'un qui sera un jeune homme attiré par les plaisirs. Et ça, c'est aussi très important, j'imagine, chez Naguib Mahfouz, Farouk Mardambé. Dans ses romans, il y a quelques personnages féminins qui restent, qui comptent parmi les grands personnages féminins de la littérature arabe contemporaine. Je pense par exemple à ce roman Khan Khalili, traduit je crois en français sous le titre Le cortège des vivants, et où le personnage féminin Nawal, qui a été convoité par 2 frères, qui se sont disputés pour avoir pour l'avoir, et c'est une il montre un peu comment cette jeune femme qui était toute jeune, elle avait 16 ans, comment elle s'est épanouie en suivant les démêlés des 2 frères pour avoir ses chambres. Et comme exemple, enfin. Dans sa trilogie, je pense que ce sont surtout les hommes qui retiennent l'attention. Les 3 générations d'hommes de la famille d'Ahmad Abdjawad. Alors, sa vision des femmes a sans doute évolué pas mal, puisqu'elle part d'un rapport aux femmes où elles sont plutôt des objets sexuels, hein, c'est lui-même qui le dit, à finalement un mariage qui va être un mariage qui va durer toute leur vie. Oui. Il s'est marié assez tard, je crois. Il s'est marié assez tard. Et il a eu 2 filles. Et il a souvent évoqué sa femme dans ses entretiens. Encore une fois, comme la personne mesurée, sage. C'est ça, les femmes, c'est la stabilité. Voilà, qui l'a stabilisé, qui a bien sûr organisé sa vie, qui lui a permis d'écrire ce qu'il, de tenir vraiment sa promesse de travailler tous les jours, de produire tous les jours, etc. Oui. Alors vous parlez de sa production qui est très importante parce qu'elle dépasse les 50 opus entre romans et recueils de nouvelles, sans parler des scénarios. Je crois qu'il a écrit 26 scénarios. Et puis il a scénarisé lui-même ses romans. Je crois qu'il a fait, bon, il a, sur une 30aine de romans, je crois qu'il y en a 22 qui ont été scénarisés et qui comptent parfois parmi les chefs-d'œuvre du cinéma égyptien. Vous avez cité Chahine, mais il n'y a pas que Chahine. Il a commencé avec Salah Abou Seif, qui est l'autre grand cinéaste égyptien, réalisateur, et qui a produit deux ou trois parmi les grands chefs-d'œuvre du cinéma égyptien. Mmh. Alors, une vie très rangée, on l'a dit, il y a l'heure de la promenade, il y a l'heure du travail, il y a l'heure des amis aussi, parce que les amis, c'est très important, et il faut les voir beaucoup, c'est essentiel dans la vie de Naguib Mahfouz, et ça, on le retrouve beaucoup dans la trilogie. Oui, et puis dans sa vie privée, on sait qu'il avait un coin dans un café au Caire où il passait des heures seul, mais aussi il passait parfois des heures avec des amis. Et puis à la fin de sa vie, il y avait un groupe qu'il fréquentait quotidiennement. Dans cette péniche où il recevait. Et où vous l'avez rencontré d'ailleurs. Et je l'ai rencontré là en effet deux ou trois fois. Oui. Ça ressemblait à quoi la vie dans la péniche de Naguib Mahfouz? Oui, en fait, moi ce que je voulais c'était lui poser un certain nombre de questions précises sur la traduction. Comme toujours, on est en tant qu'éditeur préoccupé à la fois par la fidélité au texte d'origine, mais aussi par la lisibilité, disons, de la traduction. Et je lui ai posé la question sur cela en lui demandant si on pouvait prendre un peu de liberté avec le texte d'origine. Et il m'a répondu, bien sûr, chaque langue a son génie, et je ne tiens pas du tout à ce que chaque mot que j'ai écrit soit traduit en français. Ouais. Alors, comme aujourd'hui, notre quartier était bruyant et surpeuplé. Les enfants, pieds nus et à peine vêtus, jouaient dans tous les coins, remplissant l'air de leur vacarme et couvrant le sol de leurs excréments. Les femmes s'agglutinaient sur le seuil des maisons, l'une hachant des feuilles de mlouchia, l'autre pelant des oignons, une troisième allumant un brasero, toutes échangeant potins et plaisanteries, ou au besoin, injures et malédictions. De jour comme de nuit, c'était un fracas ininterrompu, soutenu par le rythme lancinant du tambourin à exorcisme. Les chansons, les pleurs, les voitures à bras courant en tous sens, les engueulades, les rixes, le miaulement des chats et le grognement des chiens se disputant l'état d'ordure. Les rats grouillaient dans les cours des maisons et nichaient dans les murs, et il arrivait fréquemment qu'un groupe se rassemble à grands cris pour tuer un serpent venimeux ou un scorpion. Quant aux mouches, leur nombre n'avait d'égal que celui des poux. Elles partageaient la vie des habitants avec une familiarité amicale, mangeant dans leurs assiettes, buvant dans leurs verres, jouant autour de leurs yeux et se glissant même parfois jusque dans leur bouche. Extrait des Fils de la Médina, lu par Hanna Djardja. Il y a donc le Nil, il y a la ruelle, il y a le quartier, et plutôt les quartiers du Caire où Mahfouz a habité. Il n'y a pas tellement le reste du monde. On a l'impression que, sorti de sa rue, rien d'autre n'existe. Farouk Mardambé. C'est vrai que le Caire était son monde. Le Caire était son monde. Il y a des nouvelles qui se passent ailleurs, à Alexandrie par exemple. Alors il allait à Alexandrie seulement l'été parce qu'il faisait un petit peu moins chaud. Oui, mais c'est le Caire et ce quartier particulier du Caire, l'Al-Gamaliya. Ouais. C'est un écrivain très ancré dans cette réalité égyptienne, citadine, du milieu, je dirais, des classes moyennes, plus que les classes pauvres. Quoi. En fait, il n'y a aucune volonté d'aller à l'étranger. Je crois qu'il est seulement allé trois fois à l'étranger, une fois en Yougoslavie, une fois à Londres et une fois au Yémen. mais c'est tout. Tout à fait. Et il n'a pas été à Stockholm pour le prix Nobel. Ouais. Il n'a pas été en Suède. Et ce sont ses filles qu'il a demandé à ses filles de le représenter. Et il a beaucoup hésité. Il le raconte aussi en long et en large dans ce livre. Et il avait reçu la visite de l'ambassadeur de Suède chez lui, qu'il a invité, qui a insisté, mais finalement, il n'a pas voulu. Non. Alors, il y a deux aspects quand même, ou deux tentations chez Naguib Mahfouz. C'est d'un côté la littérature et de l'autre la philosophie. Parce que quand il était étudiant, il a d'abord commencé par faire des études de philosophie. Et on a l'impression qu'il y a toute une veine philosophique aussi dans l'œuvre de Mahfouz. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, Farouk Mardambé, de quoi il retourne ? Plutôt que philosophique, je dirais métaphysique. Dans beaucoup de ses romans et de ses nouvelles, il y a cette inquiétude de métaphysique. Les grandes questions, quoi, les grandes questions métaphysiques qui le taraudaient. Le rapport à Dieu aussi. Par rapport à Dieu. C'était un musulman, pas un musulman pieux certainement, mais c'était un musulman. Il n'était pas pratiquant, comme on entend par musulman pratiquant, mais il était croyant sans doute. Il avait un respect réel de sa propre religion, mais aussi de toutes les autres religions qu'il a exprimées aussi bien dans ses livres que dans ses entretiens avec des journalistes. Mmh. Alors, on a dit déjà qu'il y avait un tournant dans l'œuvre de Naguib Mahfouz, qui est son passage au réalisme. On pourra revenir d'ailleurs sur ce mot de réalisme, parce que peut-être qu'il faut le nuancer. Mais en tout cas, il y a quand même un avant et un après, la trilogie dont on parlera surtout demain. Qu'est-ce qu'il y a avant ? Ce sont des romans historiques, Farouk Mardambé ? Il y a des romans historiques. En fait, son premier projet était de raconter l'histoire de l'Égypte. L'histoire de toute l'Égypte. Il a commencé par écrire trois romans pharaoniques, qui se passent à l'époque pharaonique, dans lesquels il a mêlé le récit historique avec un peu d'imagination, sauf dans le dernier, le combat de Thèbes, qui est très exact quant aux faits historiques. Mais à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, au début de la Seconde Guerre mondiale, il a senti le besoin de décrire la société égyptienne dans laquelle il vivait et ses réactions en temps de guerre. Et son premier roman, traduit en français sous le titre « La Belle du Caire », qui a paru, je crois, en 45, et puis trois autres romans réaliste jusqu'à la trilogie qui se termine le dernier volume de la trilogie, je crois, a été publié en 57. Mm-hmm. Est-ce que les premiers romans sont intéressants? Est-ce que pour vous, parce qu'il n'y a pas de succès pour les romans pharaoniques. Les romans pharaoniques ne vont pas marcher. Est-ce que pour vous, ce sont des romans intéressants quand même? Non. Non, ah ben non, comme quoi, alors, non, le public égyptien a bon goût, très intéressant. Il les a délaissés. Bon, il y en a deux qui ont été traduits en français, d'ailleurs. Vous savez, après le prix Nobel, les éditeurs se sont rués sur l'œuvre de Mahfouz pour traduire tout ce qu'il a écrit peu à peu. Mais en fait, le grand Mahfouz, c'est le Mahfouz qui commence justement par La Belle du Caire. Et il faut dire aussi que cette veine réaliste n'a pas duré longtemps. Parce qu'à un moment donné, en 1957, en écrivant Les Fils de la Médina, c'est un roman allégorique, puisqu'il raconte, ça se passe dans un quartier du Caire, mais il raconte l'histoire des religions. Là aussi, les trois religions monothéistes, il les raconte sous une forme allégorique, comme si ça se passait au Caire. Et puis après, à partir de 1960, il a pris son envol. C'était quelqu'un qui ne s'arrêtait plus et qui a expérimenté toutes sortes d'écritures. Jusqu'à l'âge de 80 ans, il n'a pas arrêté d'expérimenter. Vous savez, on dirait qu'il influençait les jeunes, mais il était influencé aussi par la jeune littérature égyptienne. Oui, il lisait tout ce qui paraissait. La littérature des années 60 d'Égypte, qui est très intéressante, qui était une rupture par rapport au réalisme traditionnel. Bon, mais c'est Mahfouz qui l'a commencé, par son roman Le voleur et les chiens. Oui. qui est une sorte de roman noir, bon, et puis par un autre roman qui a une veine métaphysique, et puis par un troisième où il s'inspire des chroniques traditionnelles des historiens, des chroniqueurs égyptiens de l'époque mamelouk, puis par les récits de voyage, et ainsi de suite. Et il y a 2 ans, on a publié un livre qui s'intitule « Les noces du palais », qui est extrêmement étonnant parce qu'on dirait que c'était un de la jeune littérature arabe d'aujourd'hui, où il s'est c'est à la multiplicité des voix. Il montre 4-5 narrateurs qui racontent la même histoire, etc., montrant leurs contradictions. Il n'a pas cessé d'évoluer. Et je crois que c'est l'un des caractéristiques de Mahfouz par rapport à d'autres de sa génération qui sont restés sur la même voie. Donc vous diriez que la recherche formelle, c'était important pour Mahfouz? Absolument. Et je crois que ces lectures à la fois de la littérature mondiale et de la lecture des jeunes auteurs égyptiens notamment, l'a beaucoup marqué. Est-ce que par exemple le nouveau roman a pu d'une manière ou d'une autre l'influencer? Parce que on sait qu'il a lu Joyce par exemple, on sait que tous les romans modernistes l'ont beaucoup intéressé, qu'il s'est positionné d'ailleurs par rapport à ces romans modernistes européens. Est-ce que ça va jusque aux années 50-60, au nouveau roman français? Je suis en train de réfléchir sur le nouveau roman. C'est là. Je sais que beaucoup des jeunes auteurs égyptiens des années 60 ont été influencés par le nouveau roman. Je ne crois pas que c'était l'essentiel de c'était essentiel chez lui comme influence. Ce qui était important, sans doute, c'était il avait le monologue intérieur, par exemple, bon, qu'il a adopté. La multiplicité des voix dans un roman, l'adaptation de grands classiques de la littérature arabe, par exemple Les Mille et Nuits. Mm-hmm. Bon, il y a un roman qui s'appelle Les Mille et Nuits. Voilà, les Nuits des Mille et Nuits. Et pourquoi a-t-il repris sur le titre, Les Mille cette Nuits. Idée voilà, il imagine que à la fin des Mille et Nuits, le cruel Shahriar a compris qu'il avait tort et qu'il a décidé de garder Shahrazade pour épouse. Et à partir de là, Mahfouz laisse libre cours à son imagination et plein de choses qui se passaient dans le Mille et Une Nuits se passaient au Caire à l'époque voilà. Et ben voilà qui fait dans la veine des Mille et Une Nuits. Une excellente transition par rapport aux deux premières émissions du début de la semaine. On va continuer de parler avec vous, Farouk Mardambé, de Naguib Mahfouz, prix Nobel égyptien 1988 de littérature. Mais tout de suite, allons voir ce qu'il se passe du côté des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et pas du côté de n'importe quelle revue, du côté de la Nouvelle Revue Française. Nous avons la chance d'avoir dans ce studio son directeur Michel Crépu. Bonjour Michel. Bonjour. Un mot sur Naguib Mahfouz et ce qui a été dit dans la première partie de cette émission. Un mot, il en faudrait beaucoup. Un mot, ça peut être oui, non, j'aime pas. J'adore, je suis fasciné par cet univers romanesque qui tient à la fois des Mille et une Nuits et de Marcel Proust. Et j'adore la rêverie qui imagine Proust, qui était d'ailleurs comparé par Paul Morand à un prince des Mille et une Nuits. Je crois que c'est Paul Morand qui a fait la comparaison. Quand il a vu Proust sur son lit de mort, et il lui est apparu comme un prince des Mille et une Nuits avec la barbe, etc. Et ça me fait rêver. Et c'est une sorte de circulation d'un livre à l'autre qui, je crois vraiment, retrouve la matrice essentielle du roman par excellence. C'est magnifique. Alors, un prince, vous en avez un aussi dans la Nouvelle Revue Française, pour filer la métaphore royale, pour parler du président de la République, Emmanuel Macron. Ah, oui. Vous avez décroché votre téléphone et vous avez joint l'Élysée. Je n'ai pas décroché mon téléphone, j'ai simplement écrit un petit mot pour C'est plus littéraire, faut dire. Oui, c'est plus littéraire. Et ça m'intéressait de voir si on pouvait bavarder un peu littérature et roman, et surtout comment évaluer comment la littérature joue ou pas dans son activité d'homme politique et de dirigeant. A-t-il déjà le temps de lire ? Alors, il n'a pas caché que c'était difficile de trouver du temps, mais j'ai vu, sans forcer la note, sans exagérer, mais j'ai vu que les livres, la littérature continuaient d'occuper une place non négligeable, et d'ailleurs assez inattendue, parce qu'en fait, il y a un personnage dans la saga, entre guillemets, d'Emmanuel Macron qui compte beaucoup, c'est sa grand-mère qui l'a initié au roman, à la lecture de Colette, de Giono, etc. Et il y revient presque malgré lui, presque d'une manière un peu subconsciente, c'est très frappant ça. Et puis il est quand même marié à une ex-prof de français. Oui. L'éducation nationale s'honore de cet événement. Alors, il paraît que Colette et Giono sont deux auteurs dont il a parlé dans ce long entretien que donc vous allez faire paraître, hein, nous ne l'avons pas lu encore, dans le numéro de mai de la Nouvelle Revue Française. Qu'en est-il ? Oui, alors l'allusion à Colette et Giono effectivement est présente, mais je crois surtout ce qui est intéressant dans cet entretien, c'est que Emmanuel Macron relie la situation actuelle de l'Europe, qui est de nouveau dans une situation de péril et de danger et de risque et de vertige d'une certaine façon, avec la littérature et l'expérience du roman. Le roman, c'est aussi d'une certaine façon l'exploration des situations contradictoires, difficiles, périlleuses. Il y a donc là, pour le roman, comme une sorte d'opportunité, j'ose presque dire de chance, d'entrer à nouveau dans une aventure. Donc politique et littérature peuvent être liées. Politique et littérature, surtout tout au long de l'histoire de France, ont toujours eu partie liée. On part de Joinville, on arrive à François Mauriac, à De Gaulle, qui a écrit ses mémoires de guerre. Je me souviens que j'étais encore quasiment étudiant quand j'ai lu pour la première fois les mémoires de guerre du général De Gaulle. Je suis tombé de ma chaise. C'était un événement de littérature tout à fait considérable. Donc, il y a un lien intime et affectueux presque entre la politique et la littérature en France qui est très impressionnant. Aux États-Unis, le président jure sur la Bible. En France, le président pose devant la bibliothèque. D'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron est en train de parler littérature avec Donald Trump à l'heure où on parle ? Je ne peux pas ne pas le croire. Bon, et puis je signale alors, toujours politique et littérature, que vous faites paraître Un empêchement chez Gallimard. C'est donc l'essai sur l'affaire Fillon. C'est pas une enquête sur l'affaire, parce que ça m'intéressait que très modérément de refaire une enquête. En revanche, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de décrire ce que cette histoire a révélé, et que nous arrivions comme à la fin d'un cycle idéologique où les grosses armoires libérales ou socialistes s'écroulaient, c'était pulvérisé, et qu'on entrait dans un autre monde. Voilà, donc nous allons lire Un empêchement pour savoir dans quelle grosse armoire nous allons le ranger. Merci Michel, à bientôt. Merci à vous. Parlons toujours de Naguib Mahfouz dans la compagnie des auteurs. Mon invité est Farouk Mardambé. Il a publié la plupart de ses livres à Naguib Mahfouz dans la collection La Bibliothèque Arabe du département Simbad, qui appartient à Actes Sud depuis maintenant de nombreuses années. Et pour repartir dans cette seconde partie, on écoute Mahfouz lui-même sur la question de l'engagement de l'écrivain. أنا لا أتصور أن في كاتب غير ملتزم حتى غير الملتزم يبقى ملتزم بعدم الالتزام. Oui, ils n'arrivent pas à imaginer un écrivain qui ne soit pas engagé. Même le non engagé, il est déjà engagé par son non engagement. مصر ينقصها الكثير لأن إحنا عاوزين يعني نعيش الحياة العصرية مع عدم فقدان قيمنا القديمة. أنا أعتقد أن إحنا ما زلنا في أوائل الطريق، فاللي ينقصنا كثير. تقول لها دي أولا. دي ناتورالمون لي بوكو دو شوز كي مانك لجيبت باسكو نو فولون فيفر سولون لا سيفيليزاسيون مودرن سان بيرد نو كاليتي اوتنتيك اسانسييل. Il pense que l'Égypte est au début de la route, au début du chemin. Il lui manque beaucoup de choses. Alors, il n'y a pas d'écrivain qui ne soit pas engagé, pense Marfouz. Farouk Mardambeh, en quoi diriez-vous que cet écrivain s'est engagé soit dans la société égyptienne, soit dans la politique ? Oui, Naguib Mahfouz, comme tous les écrivains, est engagé d'une certaine manière. Dans ses romans, bon, il est engagé dans la mesure où il explore un peu l'évolution de sa société, de la société égyptienne, durant une quarantaine d'années. Mais il n'était pas engagé dans le sens où on entend, c'est-à-dire il n'était pas partisan. C'était pas le écrivain d'un parti. Ce n'était pas l'engagement comme on l'a compris à un moment donné. L'engagement. C'est pas Sartre. Quoi. Mais ça n'empêche pas qu'un certain nombre de ses livres ont posé des problèmes au pouvoir. Oui, il a eu, dans plusieurs moments de sa vie, il a eu des problèmes avec le pouvoir. Mais ce n'était pas un homme cassant quoi dans ses prises de position, ce qui fait que finalement les autorités le laissaient faire. Quoi. Il raconte longuement ses démêlés avec Nasser par exemple. Mm-hmm. Bon, mais il dit que finalement Nasser l'a sauvé chaque fois que les services de renseignement lui ont voulu. C'est le président de la République qui les a calmés en leur disant laissez-le tranquille. Bon, et je donne un exemple. Il a écrit une nouvelle en 1962, je crois, qui s'intitule Le conducteur du train. Et on a tout de suite compris que c'était un conducteur de train qui est pris de folie et qui lance le train à grande vitesse jusqu'à la catastrophe finale. Et on a dit voilà, ça c'est le conducteur de train, c'est Nasser qui est en train d'exagérer, de radicaliser la révolution égyptienne, c'est-à-dire le coup d'État des officiers libres de 52, et qui risque de nous conduire. Bon, c'était une alerte pour Mahfouz, mais finalement c'est Nasser qui l'a sauvé. Bon, il a eu un problème quand il a publié Les Fils de la Médina, Aulatarna. Et là, c'était ça a été interdit, ce livre-là. La critique est venue là de la part des milieux religieux. Oui. Alors qu'est-ce qu'on lui reprochait à ce moment-là sur Les Fils de la Médina ? Mais rien que c'est de traiter de sujets religieux, de les rendre profanes, quoi. Mm-hmm. C'est de parler de la religion d'une manière profane, de les désacraliser, si vous voulez. Et après, on lui a reproché, les mêmes milieux religieux intégristes lui ont reproché des prises de position à l'époque de Sadat qui n'allaient pas dans leur sens. Mais pendant longtemps, il a été c'était quelqu'un de très loyaliste. Il a été très loyal vis-à-vis de Nasser, vis-à-vis de Sadat, vis-à-vis de Moubarak, etc., tout en étant critique. Et ce n'est que beaucoup plus tard, à partir de 1990, quand il est devenu assez vieux, etc., qu'il s'est exprimé d'une manière très franche. Bon, par exemple, à propos de Nasser, lui, il était très engagé dans le parti Wafd, le grand parti bourgeois, disons, nationaliste bourgeois de l'entre-deux-guerres. Il a reproché aux officiers libres, justement, de n'avoir pas intégré, d'avoir voulu créer une rupture dans l'histoire du mouvement national égyptien entre eux et les deux générations qui les avaient précédés. Bon. Et il reprochait à Nasser, par exemple, d'avoir éliminé Mohamed Naguib, qui était la figure de proue du coup d'État de 52. Il lui a reproché après... Coup d'État auquel il était favorable Il a dit que voilà, c'était un homme, à propos de Naguib, qui était assez bonhomme et qui n'avait pas le caractère emporté, enthousiaste, révolutionnaire de Nasser. Ce qui fait que beaucoup d'erreurs qui ont été commises par Nasser auraient pu être épargnées à l'Égypte. Il était par exemple pour les nationalisations. Il était pour les nationalisations, mais en même temps, il était contre la nationalisation de la presse. Mmh. Oui, donc c'est la nationalisation. Un peu un libéral, disons. Oui, tout à fait. Mmh. Oui, à la nationalisation de la grande industrie, parce que ça a un sens, mais pas. Oui, oui à la démocratisation de l'enseignement, mais pas au détriment de la qualité de l'enseignement. Et il était très fervent de l'unité arabe. Et il a dit à plusieurs reprises à quel point il était heureux, que c'était l'un des moments les plus heureux de sa vie quand il a appris l'unité entre la Syrie et l'Égypte en 58. Bon, et qu'il a été très triste et abattu le jour de la séparation, de la sécession en 61. Bon, il se serait dit arabe avant de se dire égyptien ? Non. Non, certainement pas. Non, égyptien, mais il se disait arabe, sans doute. Sans doute, il n'avait pas la réaction qu'on trouvait chez certains nationalistes égyptiens, cette attitude un peu méfiante, etc., vis-à-vis des autres arabes, non. Et il a défendu, d'ailleurs, à plusieurs reprises, les autres écrivains arabes. Il a dit à quel point il était heureux de les recevoir, de discuter avec eux, de s'entretenir avec eux, qu'il considérait bien sûr qu'il y avait beaucoup qui méritaient des distinctions sur le plan international, etc. Oui. Alors il y a quand même en 1974, donc on est 4 ans après la mort de Nasser, ce petit roman qui s'appelle Karnak Café, qui raconte en fait l'histoire de 3 étudiants qui se considèrent justement comme des enfants de la révolution de 1952, l'arrivée au pouvoir de Nasser, et qui sont arrêtés par la police, qui les suspectent d'appartenir au mouvement des frères musulmans. Oui. Qu'est-ce qu'il a voulu dire selon que c'était, vous ? Alors que c'était tout à fait aberrant, parce que les 3 étudiants n'avaient rien de frères musulmans, quoi, voilà, dans leur vie quotidienne. Mais c'était une réaction de Mahfouz à la répression policière en Égypte, qui a frappé aussi bien les frères musulmans que les communistes, par exemple. Bon. Et il aurait pu dire qu'ils étaient arrêtés parce qu'ils étaient communistes, bon, les 3. Cela dit, le roman a été publié, mais quand on a fait un film... On a tiré un film de ce roman, joué par les plus grandes vedettes égyptiennes de l'époque. Le film n'a pas été montré à la télévision, oui, pendant très longtemps. Il a été interdit, purement et simplement même. Parce que à la télévision, justement, et le film était beaucoup plus violent d'ailleurs que le livre. Cela dit, le roman lui-même a été censuré, c'est-à-dire les passages les plus durs contre le régime ont été supprimés, et nous n'avons pas ces passages. Il a dit qu'il avait donné son manuscrit à l'éditeur, la censure les a gommés, et puis il les avait plus, lui. Alors après, il y a aussi cette autre question qui est le rapport après la guerre de 73 avec son voisin israélien. Quelles sont là les positions qu'a pu prendre Naguib Mahfouz ? Il était pour la paix, il n'y a pas de doute. Et cela lui a été reproché d'ailleurs plus tard. Il y a même des gens malveillants, à mon avis, qui ont dit que quand il a obtenu le prix Nobel, que c'était parce qu'il a eu cette attitude conciliante vis-à-vis d'Israël. On a même considéré, enfin on a même dit que c'était un agent israélien. Donc c'est allé assez loin. Oui, en fait, ce qui l'a blessé vraiment, c'est que l'un des grands écrivains égyptiens, Youssef Idriss, qui était lui-même candidat au prix Nobel, et qui a été, bien sûr, quand Nagui Mahfouz a eu le prix Nobel, il a compris qu'il n'aura jamais, parce qu'il n'aura pas... D'ailleurs, Nagui Mahfouz reste le seul prix Nobel arabe à ce jour en littérature. Et qui a répandu un peu cette rumeur, comme quoi Nagui Mahfouz a eu le prix Nobel parce qu'il a été très conciliant vis-à-vis d'Israël. En fait, dans ses entretiens, encore une fois, il explique que c'était un homme vraiment modéré et qui cherchait de la mesure dans toute chose. C'était un libéral modéré, c'était un nationaliste modéré. Ce n'était pas l'homme emporté et qui prenait des positions extrêmes en quoi que ce soit. Et il explique très bien qu'à un moment donné, il a pensé que le développement de l'Égypte nécessitait cette paix avec Israël. Donc, il était pour point à la ligne, ni plus ni moins. Cela ne veut pas dire qu'il était qu'il approuvait la politique israélienne ou quoi que ce soit. Mais alors, ça a sans doute pesé cette prise de position modérée dans le choix que des extrémistes religieux ont fait de lancer une fatwa contre lui. Là, oui. On est dans les années 90, oui. Farouk Mardamby. Oui, de lancer une fatwa contre lui et d'inciter finalement des assassins d'essayer de le tuer. Bon, et il a gardé très longtemps les traces d'ailleurs. Ils y sont presque parvenus en réalité. Oui, il a gardé très longtemps. Parce qu'il a été touché très gravement, je crois, au cou, et il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Alors qu'il sortait de chez lui, deux individus se sont jetés sur lui avec une arme blanche. Il y avait plusieurs personnes qui étaient condamnées par eux à mort. Ils ont réussi à tuer un grand essayiste égyptien, Farag Fouda, mais heureusement, Nagui Mahfouz a échappé. Alors pendant le procès de ces deux individus, ils ont tout de même avoué qu'ils n'avaient jamais lu une seule ligne de Nagui Mahfouz. Tout à fait, tout à fait. C'est des chers, des gourous, disons, qui les ont incités à commettre ce crime. Ouais. Et ça va créer tout de même une émotion très importante en Égypte. Et peut-être que ça... En Égypte et dans l'ensemble du monde arabe. Parce que Mahfouz était devenu... Il faut le dire, il était devenu une icône. Avant ou après ou avant, parce que c'est vrai que cet attentat a joué aussi dans le fait qu'elle était canonisée. Même avant le Nobel, c'est-à-dire, il était considéré comme le plus grand écrivain arabe vivant, en tout cas le plus grand romancier. Et lui, il était conscient un peu de sa place dans la littérature arabe. Il savait que le roman en langue arabe lui doit beaucoup. Et que il y a un avant en Nagui Mahfouz et il y a Nagui Mahfouz. Ouais. Bon, et donc jusqu'à aujourd'hui, vous savez, chaque fois que qu'on parle avec un auteur, un écrivain arabe, y compris les plus jeunes, vous disiez toujours Nagui Mahfouz. Oui, nous disons toujours Nagui Mahfouz parce que justement, il a ouvert la voie il a ouvert plusieurs voies à la littérature, pas une seule. Oui. Comme j'ai dit, en raison de sa créativité, de son évolution permanente. C'était un mouvement permanent, il ne s'est pas arrêté vraiment d'essayer de se renouveler lui-même. C'est vraiment un symbole d'ouverture, Nagui Mahfouz, parce qu'il a toujours cru en l'Égypte, il a toujours cru en une Égypte qui serait un pays ouvert aux autres cultures, ouvert à la culture des autres. Oui. Et je crois qu'il a tout de même beaucoup plaidé pour cela. Oui, oui. Et il faut dire que pendant de longues années, contrairement à une idée préconçue, dans les années 50, dans les années 60, on a beaucoup, beaucoup traduit en Égypte, de la littérature mondiale, vraiment. Et dans les années 60, je crois que c'était une maison d'édition d'État qui a lancé des collections, par exemple des séries de traductions du théâtre mondial, dans lesquelles tous les grands noms du théâtre mondial figurent. Bon. Cette ouverture était quelque chose de tout à fait normal, disons, à l'époque. Bon, il n'était pas le seul à préconiser cette ouverture. La fermeture est venue un peu après, avec ce qu'on a appelé la ré-islamisation, après les années 70, surtout. Mais dont on sent déjà un petit peu les prémices dans cette fatwa qui a malheureusement été lancée contre Nagui Mahfouz. Nagui Mahfouz qui s'est éteint en 2006 à l'âge de 94 ans. Merci beaucoup Farouk Mardambé pour ce retour sur le parcours de Nagui Mahfouz. Je rappelle que vous êtes directeur du département Simbad des éditions Actes Sud. Vous avez publié de très nombreuses traductions des romans de Nagui Mahfouz. Puis il y a aussi ce livre d'entretien que vous avez également publié de Nagui Mahfouz, toujours dans la même collection Simbad. Demain, nous poursuivrons notre exploration de l'œuvre du prix Nobel 88. Ce sera en compagnie de Leda Mansour et de Rania Samara qui nous parleront à la fois de la trilogie Kerot et puis aussi de son livre Son Excellence. Tout de suite sur France Culture, c'est la poésie, Jacques Bonafé. Bonjour la compagnie. En ces temps ferroviaires, il fallait une contribution belge aux luttes statutaires de nos entreprises publiques. SNCB, Société Nationale des Chemins de Fer Belges, fort déprimée des chemins de fer belges. À 10h56, j'irai dans ton wagon m'installer pour enfin avoir des destinées nouvelles. Oh, qu'il est merveilleux de prendre un train dans une gare sans trop savoir ce qui nous attend au bout de ce temps, comme un bébé jeté dans la vie ou comme une épave qui se laisse aller aux dangers bizarres des autans. Malgré ton mal d'amour, ô femme des chemins de fer, tu as tapoté sur ton ordinateur. Moi, de l'autre côté du carreau, je n'étais pas fier de promener sur ton métier mon œil inquisiteur. Légère coupe dans le poème qui se termine par « C'est d'un luxe insensé que de rouler dans ces engins, car nous devrions rester toujours dans la même cuisine, puisque la vérité se retrouvera à la fin quand le voyage se termine et qu'on reprend racine, où à nouveau il nous faut vivre au jour le jour avec le même vent à respirer, le même pain au bec. » Et comme un poème d'action de grâce, celui-ci... Avec mon pauvre corps abattu, abîmé, merci mon Dieu de m'accorder cette journée et ce trait de soleil qui éclaire la vie et ce grand cèdre qui mugit sa symphonie. Avec mon pauvre esprit empêtré, raviné, merci mon Dieu de me pousser dans la journée sans savoir si j'en ferai une poésie capable de chanter votre gloire infinie. Et avec ces oiseaux rapides qui poursuivent je ne sais quel dessein dans leur course furtive, avec le parlement de cette tourterelle dont le roucoulement vient frapper mon oreille, merci mon Dieu d'être encore présente à moi-même et de pouvoir vous offrir ce simple poème. William Cliff parle à Dieu comme il parle à ces gens qu'il rencontre dans les trains, dans les avions, ici au nord de Mogador, dans un trajet Paris-Philadelphie, c'est un extrait. Alors je me mis à lui dire mon métier de la poésie, il me regardait fixement avec son œil grand et charmant, et sans faire aucun commentaire, il m'écoutait lui réciter les accidents de ma carrière. Il m'écoutait comme un poème qu'on entend la première fois, et dont la dégaine vous mène quelque part où l'on ne sait pas. Je voyais ses yeux s'agrandir avec leur couleur bleue grisâtre et ne jamais se départir de leur écoute formidable. Or notre aéronef, toujours à sa vitesse foudroyante, continuait tout son parcours vers l'autre côté de la grande fosse océane, l'Atlantique, qui nous coupe de l'Amérique, continent jadis découvert par un homme appelé Colomb, qui osa voguer à travers l'onde pour justifier son nom, lequel veut dire une palombe ou un pigeon, oiseau magique qui circule à travers le monde jusqu'à trouver une Amérique. Merci beaucoup Jacques Bonafé, vous nous lisiez aujourd'hui des poèmes de William Cliff.